De retour à la table d'hôte, il est exactement 12h30, heure de l'Est, et c'est l'heure de la chronique technologique avec Raymond Poirier, comme à chaque mercredi. Comment ça va, Raymond? Mais ça va très bien, ça va très bien. Yeah! Alors, tu es ici pour nous parler plus spécifiquement de l'Australie et de sa commission électorale qui s'est penchée sur l'effet des médias sociaux vis-à-vis de la participation citoyenne dans leur vie politique. Exactement. En fait, c'est un sujet quand même assez intéressant de voir un peu pourquoi d'abord et comment y aller. Donc, pourquoi y aller et comment y aller. Je suis tombé sur ce rapport-là qui est assez intéressant via, bon, à l'Institut de technologie de l'information et de la société. On est membre d'un observatoire qui s'appelle l'Observatoire francophone des technologies de l'information, qui s'intéresse un peu aux applications des TI dans la gouvernance. Il y a une belle section, d'ailleurs, assez foisonnante, ofti.org, où il y a plusieurs rapports comme ça et réflexions. Et celui-là, je l'ai bien apprécié parce que je le trouvais assez complet. Donc, oui, sur les bons côtés, mais également sur les mauvais côtés, sur les défis okay. qui se présentent quand on cherche à plonger dans la sphère des médias sociaux dans un contexte de participation citoyenne, dans un contexte gouvernemental, dans un contexte politique, partisan ou non, dans un contexte organisationnel. Et ça touche particulièrement le Québec ces dernières années parce que sur les médias sociaux, tous les partis sont très, très, très présents, là. Ils sont très, très présents et ils y sont, j'imagine, face aux bénéfices un peu qui sont présentés là-dedans. On dit notamment, évidemment, qu'il y a des générations qui s'y trouvent peut-être un peu plus que d'autres. C'est pas un secret pour personne. Les jeunes générations y sont de manière massive, écoutent de moins en moins la télévision pour s'informer, de moins en moins également d'autres types de médias comme la radio pour aller chercher l'information et les détails. Eh bien, évidemment, donc, de se présenter sur les médias sociaux, de s'y trouver, ben, ça donne un fier coup de pouce. Donc ça, c'est certain. Donc pour avoir accès à des électeurs potentiels, pour avoir accès à des électeurs qu'on ne rejoindrait pas autrement, et qui plus est, pour avoir accès dans un autre contexte complètement, dans la mesure où, contrairement à la télévision et d'autres médias, eh ben c'est pas de l'émission à sens unique, donc émetteur-récepteur, c'est un dialogue qui en vient à s'installer, soit entre l'organisation et l'électeur potentiel, soit entre les électeurs potentiels eux-mêmes. Alors, ça devient un beau médium pour amener autrement une certaine conscientisation face à différentes options qui sont offertes. Ouais. Donc ça, c'est les côtés positifs. Évidemment, tout n'est pas rose non plus. Non, d'ailleurs, Laurent Proulx en sait quelque chose. Effectivement. Moi, j'aime ça, le rose. Ah, OK, c'est bon. et dans le fond, ce qu'il faut dire, c'est première chose que la Commission électorale australienne a remarqué, c'est que les gens ne vont pas de facto sur les médias sociaux et sur le web pour s'informer ou pour aller faire de l'engagement et de l'action sociale. Ils y vont pour s'amuser, pour le plaisir et pour connecter sur un plan plus lié au divertissement avec leur réseau. Donc, c'est pas tout le monde d'emblée qui va avoir envie d'aller faire de la politique sur son Facebook, sur son Twitter, sur son blog et autres. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi qu'on indique, c'est que c'est pas non plus tout le monde sur les réseaux sociaux qui a des vastes réseaux et qui peut être qualifié d'influenceur. Ouais. Donc oui, on a tous dans nos réseaux des gens qui ont 2000, 3000, 4000 amis, qui ont au-dessus de 1000 personnes ou au-dessus de 500 qui les suivent sur Twitter, sur LinkedIn et ailleurs, mais c'est pas le cas de la majorité. En fait, ce qu'on dit, c'est eux ont fait une moyenne à peu près donc 100 personnes qui les suivent sur Twitter, ça c'est la moyenne pour une personne standard, et sur Facebook c'est à peu près 130 amis la moyenne. Okay. Donc oui, on va rejoindre des influenceurs qui ont des vastes réseaux, mais inversement, on va aussi rejoindre des gens qui ont pas une grande influence et qui au bout du compte ne rejoindront pas un grand réseau, ne feront pas diffuser tant que ça dans le fond l'information et l'option dont ils font la promotion sur les réseaux sociaux. Donc ça c'est quand même aussi à garder en tête, là. Ce qui est pas la panacée. Moi, la question que je me pose par rapport à ça, parce que généralement, bon, une fois que les partis se sont installés sur les réseaux sociaux, il y a bien évidemment les militants de chaque parti qui s'installent aussi sur les réseaux sociaux et qui propagent le message de chaque parti, chacun à leur manière et chacun à son style, bien évidemment. Est-ce que les partis, est-ce que c'est pas un problème aussi des fois d'échapper le message et puis parce qu'il y a un militant qui pourrait innocemment dire que le parti a telle position tandis que c'est pas vrai du tout. Alors ça c'est assez intéressant. Évidemment, c'est le genre de réflexion qui sont un peu le champ d'intérêt de l'Observatoire des médias sociaux en relations publiques ici à l'Université Laval. Mais de ce qui ressort du rapport, eux disent, ben d'un côté, il faut accepter, si on décide de promouvoir un message sur ces plateformes-là, de laisser aller aussi le message. Ouais. Donc, de pas, si on permet l'anglicisme, de pas tomber en mode control freak, essayer de contrôler exactement tout ce qui se dit et la manière dont ça le dit. Donc, ça, c'est la première chose. Ce qu'ils disent, c'est regarder, n'essayez même pas et ne pensez même pas à y aller si vous avez pas cette volonté-là. Et de B, si vous n'avez pas également l'autorisation, pas seulement tacite, mais de manière claire, précise et dynamique de vos supérieurs, des cadres de l'entreprise, de l'organisation, des chefs, parce que eux devront aussi laisser aller le message et devront pas arriver par après en mode contrôle des dommages pour faire changer une stratégie et créer peut-être plus d'erreurs. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut aussi avoir des gens qui sont disponibles sur le terrain pour animer et organiser et modérer ces discussions-là. Donc si on lance un élément et ensuite qu'on ne le suit pas, eh bien, nécessairement, ça augmente les chances aussi de perdre le contrôle ou que le débat dérive aussi vers des éléments qui sont peut-être moins pertinents et également ben, vers donc des interprétations peut-être un peu plus libres de ce qu'on veut proposer. Donc, faut y être, mais aussi, et ça, c'est l'autre élément qui est intéressant, ils ont observé que les médias sociaux avaient tendance à s'auto-réguler jusqu'à un certain point, dans la mesure où il y a toujours des usagers qui vont être là pour corriger les faits, pour corriger les informations dans un contexte partisan, mais pour confronter les opinions et également mais pour mettre en exergue les opinions peut-être un peu plus extrêmes, plus inacceptables également, donc qui vont les rendre de A, faciles à repérer, et de B, qui vont peut-être être déjà aussi dégoupillés, mis de côté dans le fil même de la discussion, là. Parce que on peut donner un exemple plus tôt. Je parlais de Laurent qui il y a beaucoup de gens qui ont dit des choses en ton nom, comme quoi c'était un fait sur les réseaux sociaux, surtout durant le printemps érable. Mais un exemple beaucoup plus récent, c'est-à-dire hier, lorsque Jean-Martin Hansan a sorti son dernier billet sur le Urbania intitulé « Chers manifestants », où il proposait aux manifestants aussi de peut-être revoir leur stratégie et de ne pas simplement concentrer leurs activités autour des manifestations. Ça a dérapé, mais sur un temps assez rapide, là. Et puis, ça a dérapé même, ce qui était la beauté de la situation, c'était que plusieurs péquistes lui reprochaient ces commentaires-là, alors que plus tôt dans la journée, Jean-François Lisée disait que le règlement PC, c'était parfaitement acceptable. Donc... Attends, c'est... Jérôme, là, est-ce que t'es parrain de nous dire que le Parti québécois, là, serait comme pas clair sur une position, là? C'est à croire, là. Ben, écoute, je te laisse juger par toi-même de ce que j'étais en train de dire. Et ça met en exemple aussi un autre élément, dans la mesure où si on y va, ben faut être aussi les premiers peut-être à proposer ce message-là, parce que dans différentes situations, si on laisse le message être récupéré avant même qu'on l'ait proposé, ben peut-être que des défis aussi. C'est quelque chose qui est signalé dans le rapport où on dit, ben regardez, allez-y, soyez le premier, soyez là pour répondre et pour faire les suivis. Et également, assurez-vous d'y aller de la bonne façon. Parce que si on fait les choses de manière peut-être un peu plus maladroite, ben encore là, ça peut avoir aussi des conséquences assez graves pour l'image. C'est arrivé à peu près toutes les formations politiques auxquelles on peut penser ici au Québec, sûrement la même chose ailleurs. Donc, d'y aller en connaissance de cause, d'un côté, mais de bien y aller aussi. Donc, ce que eux proposent, c'est de s'assurer que les gens qui vont être appelés à interagir via Twitter, via Facebook, via des blogs, aient aussi une formation préalable pour qu'ils saisissent bien c'est quoi la nature de ce médium-là, c'est quoi les applications, c'est quoi un hashtag, c'est quoi, c'est quoi ci, c'est quoi ça, pour pas y aller au hasard et pour pas, au bout du compte, être en train d'apprendre en avant de 10, 15, 20 000 personnes. Comment utiliser le réseau social. Donc, c'est pas nécessairement crédible au départ. Donc, l'idée, c'est de bien s'y rendre. Mais parallèlement aussi, il y a l'autre défi, et d'un côté que les gens vont nécessairement pousser leur option, leur perception, ça c'est certain, c'est la perte du message, mais parallèlement qu'ils ont remarqué à la commission électorale australienne que les gens avaient tendance aussi à se pousser eux-mêmes. Donc, dans la mesure où, de manière générale, les gens sont pas sur les médias sociaux pour parler d'autres gens, mais plutôt pour promouvoir leur discours face à ces autres personnes-là. Et donc, dans le fond, c'est des citoyens qui sont là pour s'actualiser peut-être plutôt que pour accomplir aussi un engagement et un mandat social qu'ils se sont donné. Donc, il y a une notion d'autodiffusion qui est présente et qui peut venir aussi fausser la donne à certains degrés, parce que on n'agit pas de manière d'émetteur à récepteur, selon le rapport, mais on agit plutôt d'émetteur à émetteur. Ouais. Et chacun a son agenda aussi, un agenda qui est au bout du compte très personnel. Exactement. Encore une fois, je sors l'exemple de Laurent. Laurent, t'es sorti dans les médias dernièrement justement pour concernant votre activité en cours là, sur l'association obligatoire aux associations étudiantes. J'imagine qu'il y a bien des fois que t'aurais aimé répondre à chaque personne qui interprète tes propos à leur propre manière, selon leurs propres standards et leur propre volonté politique, là. Oui, ben je pense que... Effectivement. Effectivement, Jérôme. Mais je pense que ça fait quand même partie de la game. Oui. Puis c'est ce que pour ceux qui sont lancés là-dedans, peut-être comme tu disais, Raymond, là, ceux qui sont lancés là-dedans sans vraiment s'y connaître, là, ça peut être assez épuisant. Parce que c'est sûr que c'est toujours tentant de répondre à quelqu'un qui déforme ce que tu dis. Oui. Sauf qu'à la longue, ça peut devenir très épuisant. Est-ce que c'est pas aussi un problème, ça? Est-ce que ça peut pas devenir une espèce d'aimant à temps et puis on essaie de répondre à tout le monde puis finalement, on perd son temps à faire ça? En fait, je te traduis un petit paragraphe qui délimite un peu tout ça. Ils disent, en fait, dans le rapport, qu'ils ont remarqué que les gens qui se trouvent sur ces médias-là, souvent, ont tendance à s'engager dans des débats de manière antagonistique plutôt que délibérative. Voilà. Et donc, ce qui fait que on met de l'avant plutôt la dissension plutôt que le consensus, l'expression de vue et de débat politique plutôt qu'un débat rationnel et délibératif. Donc, ce qui fait qu'il y a aussi cette dynamique-là qu'il faut garder en tête où c'est pas nécessairement l'endroit où on va pouvoir avoir un débat formel, un débat standard, un débat, entre guillemets, civilisé. Exactement, parce que quand on n'a pas de contact visuel et qu'on n'entend pas le ton de voix de la personne, il y a à peu près 1500 interprétations possibles à un message. Donc, ça devient assez difficile de tout percevoir. Là. Et parallèlement, ce qui est aussi intéressant, et on le remarque un peu à travers les exemples laurentiens que tu proposes, Jérôme, dans la mesure où c'est beaucoup aussi une couverture qui est événementielle. Dans la mesure où lorsqu'un événement, bon, évidemment une élection, un scandale quelconque, un débat plus polarisant, donc c'est là où les gens vont s'impliquer peut-être et avoir envie de s'impliquer un peu plus. Le défi pour n'importe quelle organisation qui veut favoriser un certain engagement citoyen dans la sphère politique et sociale, bien, c'est aussi trouver des outils, des manières et des approches pour animer en dehors de ces périodes de pointe-là. Ouais. Parce que sinon, ben justement, on a une habitude qui n'est pas nécessairement présente chez les usagers d'aller consulter cette information-là. On n'a pas non plus un réflexe qui est créé chez les usagers pour venir d'emblée et dès le départ sur les pages officielles parce que les pages ne sont pas habituellement animées. Donc, si au quotidien, si à la petite semaine, ben, on anime, on propose des éléments, eh ben, on va créer aussi des réflexes chez les usagers. Mais évidemment, ça veut dire aussi qu'il faut être prêt à y aller et qu'il faut aussi avoir des idées pour les animer. Donc, ça va me servir à quoi en dehors de mon discours? Et est-ce que je peux proposer des choses aussi qui vont amener d'autres types de débats et de préoccupations? Donc, est-ce que je vais faire une veille dans un domaine X? Est-ce que je vais essayer de condenser des informations dans un domaine Y? Et je prends l'exemple là-dessus du Festival d'été de Québec qui est assez intéressant dans la mesure où eux, c'est quoi? C'est une semaine, un mois peut-être en avant le festival et un mois de retour plus les périodes de vente. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font une veille des activités des groupes qui sont passés l'année précédente au festival ou qui vont passer l'année suivante. Donc, ça permet de faire le pont également et d'aller chercher de l'information musicale et donc de garder en tête qu'il y a un fil du festival et que ce fil-là existe. Donc, c'est quand même une utilisation intéressante et au bout du compte, bon, imaginative d'une certaine façon de l'utilisation des médias sociaux. Ça nous permet aussi de prendre le pouls. On donne l'exemple du festival justement de l'engouement qui peut être relié à l'invitation d'un band ou d'un autre ou de vérifier quel est l'engouement du band à inviter aussi. Donc on prend l'exemple du festival d'été qui est avec Bruno Mars cet été. Je suis convaincu qu'on est allé voir le nombre de partages YouTube qu'il y a eu par rapport aux chansons de Bruno Mars et je suis convaincu que ça va être plein aussi. Et en même temps, il y a aussi toute cette idée qu'on souligne dans le rapport de la commission australienne sur l'idée qu'on ne peut pas non plus forcer le viral. Donc, le viral va arriver s'il y a un intérêt à ce qu'il arrive, qu'on peut par contre essayer de faire des propositions les plus intéressantes possibles, les plus créatives possibles, justement, pour amener les gens à essayer de partager l'information. Mais il faut aussi avoir un lâcher-prise dans ce sens-là. Donc, ce n'est pas dit que les efforts qu'on va faire dans les médias sociaux vont nécessairement payer, qui vont nécessairement payer positivement. Mais par contre, et c'est un peu ce qui en ressort aussi, c'est que dans le contexte actuel, faut aussi garder en tête que dans un contexte d'engagement social, politique et autres, on perd en tant qu'organisation ne pas y être. Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que là, présentement, le parti qui est le moins présent, le parti national là, au Québec, qui est le moins présent sur les réseaux sociaux, dans les partis majeurs, c'est le Parti libéral du Québec. Et on voit voit d'ailleurs que généralement, on en parle de moins en moins sur les réseaux sociaux. La CAQ qui est extrêmement présente, Option nationale qui se sert presque exclusivement des médias sociaux. Le PQ qui est quand même assez présent aussi. Bon, c'est le gouvernement, donc c'est plus facile. Là. Et au Québec, selon les derniers chiffres, c'est 73% des internautes qui vont au moins une fois par mois poster quelque chose sur Facebook. Donc, c'est quand même beaucoup de gens. OK. Donc, c'est quand même. Il y a une importance à y être présent, peu importe la réaction, puisque en même temps, la politique, le principal élément de la politique, ça reste quand même la ligne de communication. Et parlez-en mal, parlez-en bien, mais parlez-en. Et le rapport, donc, la Commission australienne, vous allez pouvoir le trouver sur ofti.org dans la section rapport et chercher le continent océanien, australien et le reste. Alors, vous allez pouvoir trouver un peu ces conclusions-là. Donc, c'est assez intéressant. Ça donne une idée. Et évidemment, c'est des sujets qui sont toujours débattus et réfléchis, notamment ici à l'Université, là, via l'Observatoire des médias sociaux. Et pour en savoir plus sur l'Observatoire, justement, on se rend sur le site de l'ITIS. Oui, itis.ulaval.ca ou ofti.org. Deux sources et deux ressources bien utiles. Fantastique. On se voit la semaine prochaine, Raymond Poirier. Sans faute. Excellent.